Cette fille que je ne connais pas, cette fille, elle attend dans le bus, toute seule, assise, toute seule, elle attend dans le bus, assise, toute seule, elle est seule, elle est toute seule, elle attend, elle n'écoute rien. Elle attend, elle n'écoute rien. Elle écoute mes chansons, elle n'écoute rien. Car toute seule, elle attend, elle m'attend pas. Car toute seule, elle attend, elle est seule. Et la chatte, elle est triste, désespérée, comme la vie, désespérée. Elle attend de rentrer chez elle. Je lui demanderai son adresse MSN et je l'aimerai sur internet, car je suis timide. Et elle, elle est seule et assise. Et moi, je suis seul et assis. Nous sommes seuls et assis. Et je l'aime en secret. Et elle m'aime pas. Et je...